always my back. I see the shadows around. I can say so when she kisses me. I try to find Victor Chisel Green, but each time I just can't feel. Just can't feel. Tu remontes un peu la guitare. Merci beaucoup. Geoffroy, ça. Jeff. Donc c'est que des chansons hyper guéluron, comme on dit. This morning my coffee cup is not ready to talk about a drug in such a sweat in my daddy dream. I keep my spoon like a precious sweetness, cause I feel blue, magique ça, c'est mon nouvel ami. Il est beaucoup plus fiable que le musicien. Proudly used, you should know. merci beaucoup. J'espère que ça va toujours, j'espère. Oui. Il y en a une, ça va bien. Il y en a deux. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais faire une petite reprise. Celui qui trouve qui c'est, je lui offre deux caisses de champagne. There's a heart in everyone, so prepare to save the days. This is not reality, this is just reality. The cup is only being filled with the chance to have it spilled. The dreams are like the days, say just like the days. Merci pour eux. Ok. C'est hyper chaud ici. For you, who's found some light in the flow of it, I would try. And spend some night in the fog of it. I try. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Je vais faire une dernière chanson. On vous est un artiste. Merci Gary. Merci Greg. Et merci à tous les gens ici. Je n'ai pas reçu de tous les prénoms. Je suis désolé. Voilà. Merci beaucoup. d'été. Secrets of town. Thank you. Merci beaucoup.